Promettez aux poupées avancer. Mais c'est que c'est fort sa vie en moins. Trop longtemps moins qu'à essayer. Méditer pour tout saper changer. A papa mon qui fait ailleurs pour vous. T'es où tout seul qui peut compter si vous. On laisse tout sentiment. Mettez qu'à vivre en silence. Et quand ça y est tout qui poser question si vous. Est-ce qu'on ne peut pas deviner pour vous. Même si vous voulez, ça pas très conseillé. Même si on peut pas cracher en champ rivière. C'est moi qui dis quand ça la vie là, yeah, yeah. En seul babier, yo ka babier. Même en de yon pour yo sa yo ka pense. Pas mon bel pas pense pour yo. Pas mon bel pas parler pour yo. De toujours yo ka dit tout bon vérité. Abayo. Oh. Si ou fait quand yo. Abayo. Mais si c'est yo. Oui c'est yo. Si ou fait quand yo m'a dit. Abayo. En seul parler, yo ka parler. On s'en va bien, yo ka va bien. Même en de yon pour yon sa yo ka passe. Si c'est moi, si c'est quand yo, abayo, mais si c'est yo.